بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فaujourd'hui le 16 du mois de Safar de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la troisième assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre Awa'iq al-Talab de Cheikh Abd Salam Ibn Barjas Rahimahullah Ta'ala. Nous nous étions arrêtés au deuxième de ces awa'iq, qui sont les empêchements à l'apprentissage de la science. La semaine passée, j'avais rappelé l'ensemble de ces 10 empêchements qui ont été évoqués, que nous allons étudier ensemble. Ces empêchements, ces choses qui viennent t'empêcher d'arriver à ton but, qui est l'étude de la science religieuse. Et j'en avais évoqué d'autres, car comme je l'ai dit, les empêchements à l'étude de la science ne sont pas résumés dans ces 10 empêchements qui ont été évoqués par Cheikh ici. Mais il y en a d'autres que j'ai évoqués, qui ont été évoqués par Cheikh Al-Allama Rabi' Ibn Hadi Rahimahullah Ta'ala dans ce cours qui a été retranscrit en livre Awa'iq fi Tariq Talib Al-Ilm, de même que d'autres empêchements que j'ai évoqués en plus, qui sont évoqués par les savants. Un empêchement que j'ai oublié d'évoquer, que j'évoque ici et qui est très important pour certains d'entre nous, j'ai évoqué la semaine passée parmi les empêchements, si vous vous souvenez, le fait d'être pris par les engagements, d'être pris par les engagements du travail, de la famille, c'est-à-dire de s'empresser de demander de rechercher la science lorsque tu n'as pas tous ces engagements. Tu n'es pas pris par le travail, tu n'es pas pris par les biens de cette vie d'ici-bas qui te prennent du temps, tu n'es pas pris par la famille, les enfants. Il faut t'empresser à rechercher la science. Parmi ces empêchements aussi, que je n'ai pas évoqué, qui est à mon sens très important, le fait de désespérer d'apprendre la science parce qu'on a atteint un âge avancé selon nous. Ceci est très important et n'est pas moins important que celui que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire le fait de s'empresser d'étudier la science lorsque tu es encore jeune et que tu n'as pas encore ces engagements. Comme cela, ne pas désespérer d'apprendre et d'arriver à la science même si tu as atteint un âge qui, selon toi, est un âge avancé, comme par exemple la quarantaine. Il ne faut pas désespérer. Sans aucun doute, les portes ne te sont pas fermées. Et il t'est encore possible d'apprendre la science religieuse. Il t'est même encore possible d'atteindre un rang élevé dans cela. Si tu n'arrives pas à ce rang élevé, quoi qu'il en soit, ne désespère pas. Continue à chercher la science, car comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, observez bien sa parole, ayyuhal ikhwa. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Observez sa parole. Il dit, celui qui emprunte un chemin dans lequel ou par lequel il demande la science, Allah lui facilitera bihi, par ce chemin, pas par la science qu'il aura acquis, mais par ce chemin qu'il aura emprunté, où il recherche la science, un chemin vers le paradis. Qu'est-ce que nous retirons comme enseignement de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuhal ikhwa, que Allah azza wa jalla ne te facilite pas ce chemin vers le paradis par la science que tu as acquise. Tu peux demander la science et ne pas arriver à apprendre la science. La science est difficile pour toi, tu n'arrives pas à mémoriser, tu n'arrives pas à apprendre la science. Mais simplement, regardez la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ayyuhal ikhwa. Ne désespérez pas de la miséricorde de votre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Simplement par ce chemin que tu auras emprunté, dans lequel tu recherches la science, Allah azza wa jalla te facilitera un chemin vers le paradis. Regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conditionné le fait qu'Allah azza wa jalla te facilite un chemin vers le paradis. Il ne l'a pas conditionné par le fait que tu acquières la science, mais plutôt il l'a conditionné par le fait que tu empruntes ce chemin. Le simple fait que tu empruntes ce chemin est une cause pour toi qu'Allah azza wa jalla te facilite un chemin vers le paradis. Allahu Akbar. Faites bien attention à cela. Et au-dessus de cela, il t'est possible même d'arriver à un rang élevé, à un degré élevé de science, comme il a été le cas de savants précédemment qui ont commencé l'étude de la science en étant âgés, mais qui sont arrivés à un rang élevé, un rang de savants de la communauté. Et il y a de nombreux exemples. Barakallahu fikum. Le deuxième de ces empêchements, est de délaisser l'œuvre, délaisser le fait d'œuvrer selon la science que tu auras acquis. Ceci, sans aucun doute, est un empêchement considérable à l'apprentissage de la science. En effet, comme le dit Cheikh ici, rahimahullah ta'ala, Sofiane ibn Saïd al-Thawri, qui est mort en quelle année, yuel ikhwa, Sofiane al-Thawri, Fadl Yaqub, 161, ahsant, barakallahu fi, Sofiane ibn Saïd al-Thawri, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 161 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala, qui est justement celui qui a dit, lamma sta'amala, lorsque les narrateurs ont utilisé le mensonge, nous avons utilisé contre eux la chronologie, l'histoire. Donc, il dit, rahimahullah ta'ala, ce grand imam, dans le sens de ses paroles bien sûr, la science n'est apprise que afin de craindre Allah tabaraka wa ta'ala par celle-ci. Donc ce qui est voulu par l'apprentissage de la science, ayyuhal ikhwa, c'est bien d'arriver à œuvrer, c'est bien de rechercher un fruit de cet apprentissage qui est l'œuvre, œuvrer selon cette science que tu as appris. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, rechercher à œuvrer dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le Cheikh nous dit que le but de l'apprentissage de la science religieuse est d'œuvrer selon elle et de faire des efforts dans son application. Ceci auprès des gens doués de raison. Les gens doués de raison savent cela et connaissent cela. Le fait que tu n'apprends pas simplement pour apprendre, pour avoir des connaissances, mais plutôt pour appliquer ce que tu as appris. Et ceci est compris des gens de raison et ceux pour qui Allah tabaraka wa ta'ala a voulu le bien dans leur religion comme dans leur vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayyuhal ikhwa a dit dans le sens de ses paroles, une personne, dans le sens approximatif de ses paroles, une personne ne quittera pas le jugement au jour de la résurrection avant d'être interrogé sur quatre choses, et dans une autre version du hadith, sur cinq choses. Parmi ces quatre choses, ayyuhal ikhwa, sur sa vie, qu'est-ce qu'il en a fait ? Sur sa vie, qu'est-ce qu'il en a fait ? Ici, sa vie, son temps, comment il l'aura passé ? Qu'est-ce qu'il en aura fait ? Sur sa science, qu'est-ce qu'il en aura fait ? Qu'aura fait-il de sa science ? Aura-t-il œuvré selon sa science ou non ? Sur ses biens, d'où est-ce qu'il les aura acquis et comment il les aura dépensés ? Et sur sa santé, comment il l'aura dépensé ? Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté aussi, selon Abu Darda, radiallahu anhu, ce grand compagnon, qui disait, radiallahu anhu, une personne ne sera jamais savant jusqu'à ce qu'il apprenne la science. Et il ne sera non plus, c'est-à-dire que tu ne peux pas arriver à ce degré de savant sans avoir appris, comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innamal ilmu, la science ne vient que par l'apprentissage. Donc il dit à Abu Darda, rahimahullah, une personne ne sera savante que lorsqu'elle aura appris, cherché la science, demandé la science. Et une personne ne sera savante, ne sera décrite comme étant un savant que lorsqu'elle œuvrera selon cette science. Et comme ceci il a été rapporté d'un grand nombre de salafs qui disaient, dans le sens de leurs paroles, une personne n'est pas estimée comme étant savante de la science qu'elle a apprise jusqu'à ce qu'elle œuvre selon cette science qu'elle aura apprise. C'est-à-dire que le facteur qui fait qu'une personne soit caractérisée par la science, on dit cette personne est savante, cette personne a acquis la science simplement lorsqu'elle aura œuvré selon cette science qu'elle aura acquise. Et ici, le cheikh va nous évoquer deux points qui sont le délaissement de la science, c'est-à-dire le délaissement de la science est de deux sortes. Et j'évoquerai ensuite les deux sortes de sciences que l'on peut observer. La science utile et la science qui n'est pas bénéfique. À propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre celle-ci. La science qui n'est pas bénéfique. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala disait: le savant ne cessera, lorsqu'on dit le savant ici, celui qui a acquis la science, celui qui a appris la science, le savant ne cessera d'être ignorant de ce qu'il a appris jusqu'à ce qu'il œuvre selon ce qu'il a appris. Regardez, ayyuhal ikhwa, combien de musulmans apprennent le Coran par cœur? Combien de musulmans apprennent le Coran par cœur? Mais lorsque tu regardes, tu observes cette personne, je ne parle même pas de son aspect extérieur, je parle de ses actes, tu te rends compte qu'il n'a rien à voir avec la guidée du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sans aucun doute, le Coran à ce moment-là sera une preuve contre lui, comme il est venu dans le hadith de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Pour toi lorsque tu œuvreras selon sa guidée et contre toi lorsque tu délaisseras sa guidée. Et en réalité, le Coran est descendu afin que nous le méditions et que nous œuvrions selon sa guidée. Pas simplement pour que nous le récitions sans qu'il y ait de méditation derrière cela, sans méditer sur le sens de ces versets et sans œuvrer selon sa guidée. Barakallahu fikum. Donc, comme l'a dit Al-Fudayl ici, une personne ne cessera d'être ignorante jusqu'à ce qu'elle œuvre selon la science qu'elle aura acquise. Et lorsqu'elle œuvrera selon cette science, elle deviendra à ce moment-là savante de cette science. Puis il dit, Shir, rahimahullah ta'ala, il dit, sans aucun doute, l'œuvre, le fait d'œuvrer selon la science que tu auras acquis, sera une cause de la mémorisation de cette science et du fait que cette science restera avec toi. Comme, à l'inverse, le fait de délaisser l'œuvre, le fait d'œuvrer selon cette science que tu auras acquise sera une cause de perdition, de perdre cette science que tu auras acquise et de l'oublier. Et dans ce sens, il est venu de plusieurs parmi as-salaf, comme l'a évoqué ici Al-Shir selon Al-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, où il disait dans le sens de ses paroles: nous nous aidions afin de mémoriser le hadith de l'œuvre du fait de d'œuvrer selon le hadith. C'est-à-dire que nous prenions en aide à la mémorisation du hadith que nous apprenions par cœur, le fait d'œuvrer selon les enseignements qui se trouvent dans ce hadith. Sans aucun doute, lorsque tu apprends par exemple le hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'Imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des 6 jours du mois de Shawwal. La personne qui, donc celui qui, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne 6 jours, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, sera pour lui comme s'il avait jeûné l'ensemble de l'année, ou comme s'il avait jeûné le temps entier. C'est-à-dire qu'il aura toujours été à jeun. Sans aucun doute, celui qui a l'habitude de pratiquer tous les ans cette adoration, de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal, celui-ci va mémoriser ce hadith, va avoir à l'esprit ce hadith et va le mémoriser. Celui, à l'inverse, qui aura peut-être mémorisé ce hadith en ayant appris des livres de hadith par cœur, mais qui n'œuvrera jamais selon ce hadith, qui ne jeûnera jamais les 6 jours de Shawwal, il trouvera, malgré qu'il apprend des livres de hadith, peut-être qu'il les révise, etc., etc., il trouvera qu'après quelques années, à force de ne pas œuvrer, de ne pas mettre en pratique ce hadith qu'il a appris, il trouvera qu'il l'aura oublié. Ici, le sens de la parole de l'imam Sha'bi, et comme cela, certains parmi salaf qui disaient: Kunna nasta'inu ala talab al-ilm bi kathrat as-siyam. Nous aidions dans l'apprentissage de la science, à ou par la multiplication des jours de jeûne. C'est-à-dire qu'ils jeûnaient, ils œuvraient afin que ce soit une cause. Bien sûr, ils œuvraient pour Allah tabaraka wa ta'ala, car ceci est une injonction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ils s'entraidaient de cela afin de mémoriser la science, afin d'apprendre la science. C'est-à-dire qu'ils cédaient des bonnes œuvres pour l'apprentissage de la science. Car sans aucun doute, la personne qui cherchera à apprendre la science, mais qui sera quelqu'un qui n'œuvrera pas de bonnes œuvres, ni d'œuvres obligatoires, comme nous allons le voir, ni d'œuvres surérogatoires, cette personne-là, comme l'a dit Cheikh ici, cette personne-là finira par oublier cette science qu'il aura apprise. Et comme le Cheikh l'a évoqué ici, cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, où il disait... Abdullah ibn Mas'ud est mort en quelle année, ayyuhal ikhwa ? Non. Hein ? En l'an 32. 32 de l'Hijr comme Abu Darda. Abu Darda, Abdullah ibn Mas'ud, ils sont morts en 32 de l'Hijr. Radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud a dit, dans le sens de ses paroles, il m'apparaît qu'une personne, qu'un serviteur oublie la science qu'il aura apprise à cause du péché qu'il aura œuvré. À cause du péché qu'il aura œuvré. Et sans aucun doute, les péchés sont un empêchement conséquent à l'apprentissage de la science. Et ceci va dans le sens du titre de cet empêchement ici, c'est-à-dire le fait de délaisser l'œuvre. Car en réalité, la personne qui n'œuvrera pas sera une personne qui soit ne fera pas d'œuvre ni obligatoire ni surérogatoire. Si c'est une œuvre obligatoire, elle tombera dans le péché. Si c'est une œuvre surérogatoire, elle ne tombera pas dans le péché, comme le Cheikh l'explique ici. Mais ce sera peut-être une chose qui va le tirer vers des mauvaises actions, vers des péchés. Le fait de délaisser les œuvres surérogatoires, car, comme vous l'avez entendu ici dans les paroles de Salaf, les œuvres surérogatoires sont une protection pour le musulman contre les péchés. Lorsque le musulman reste dans l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans les œuvres surérogatoires, ceci est pour elle une protection et une barrière contre les mauvaises actions. Ici, le Cheikh nous dit que le délaissement du fait d'œuvrer selon la science que tu auras apprise est de deux sortes. La première, le fait de délaisser l'œuvre, de délaisser les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala, les obligations et les injonctions d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de délaisser les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire de ne pas s'empêcher de commettre les interdits. Ceci fait partie des grands péchés. Puis il dit la deuxième de ces sortes du délaissement des œuvres selon la science que tu auras acquise est le fait de délaisser les œuvres surérogatoires. La première de ces catégories est le fait de délaisser les actes obligatoires. Et ceci est un péché parmi les grands péchés. La deuxième de ces catégories est le fait de délaisser les actes surérogatoires et de délaisser le fait de s'écarter des actions blâmables, des actions détestables, pardon. Et ceci, sans aucun doute, la personne qui entrera dans cela, dans cette catégorie, est une personne qui sera blâmée pour cela, parce qu'elle aura délaissé des actes surérogatoires et qu'elle n'aura pas délaissé des actes répréhensibles, c'est-à-dire des actes détestables, pas interdits, mais détestables, makruh. Sauf que le Cheikh nous dit, sauf que le savant et l'étudiant en sciences, il lui convient, ou il leur convient, d'être assidu à la pratique des œuvres surérogatoires et au délaissement des œuvres détestable. Donc la personne qui délaissera cela sera blâmée parce qu'elle aura délaissé une chose surérogatoire et elle aura peut-être commis des choses détestables, mais il ne rentrera pas dans la portée des versets et des hadiths sur la menace qui pèse sur celui qui délaissera des œuvres obligatoires comme la première catégorie. Mais sans aucun doute, le savant et l'étudiant en sciences, il leur convient d'être des exemples pour les gens et de ne pas délaisser les actions surérogatoires et plutôt d'essayer au maximum de pratiquer ces actions surérogatoires et de s'écarter des choses détestables. Même si cette chose détestable n'est pas une chose interdite, mais il lui convient à lui, qui est un exemple pour les gens, le savant comme l'étudiant en sciences, de s'écarter de ces choses-là. Ayyuhal ikhwa. Ici se termine ce qu'a évoqué Ash-Shir concernant ce deuxième empêchement, ce deuxième a'iq à l'apprentissage de la science, le fait de délaisser l'œuvre selon la science. J'apporterai un léger commentaire. Parmi ce commentaire que j'apporterai, des paroles qui ont été évoquées par ce savant, ce grand savant Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, Ahmed ibn Ali ibn Thabit, Al-Khatib Al-Baghdadi, qui est mort en quelle année ? Youssef Tadal. Hein ? 463. Ahsant. Tariq. Barakallahu fik. 463. Cette même année est mort Al-Hafidh des gens de l'Maghrib. Car Al-Khatib Al-Baghdadi, Ahmed ibn Ali ibn Thabit, Al-Khatib Al-Baghdadi est estimé comme étant Al-Hafidh des gens, Al-Hafidh des gens de Al-Mashriq. Al-Hafidh des gens de l'Maghrib est mort cette même année. Qui est-il ? Marwan, tafaddal. Ibn Abdil Barr. Ahsant. Barakallahu fik. Donc il dit Al-Khatib Al-Baghdadi dans un livre qui est très important à propos de ce sujet, le fait de délaisser, le fait d'œuvrer selon la science que tu as acquis, un livre qu'il a appelé « Iqtida al-ilm al-amal » dans le sens approximatif du titre de ce livre, ce qu'implique la science est le fait d'œuvrer selon cette science. Le titre nous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. À l'intérieur de ce livre, qui est une épître concise, Al-Khatib al-Baghdadi a rapporté beaucoup de athar de salaf sur l'importance d'œuvrer selon ce que tu auras appris. Et il évoque certaines paroles à ce moment-là, dans son introduction, où il dit que la science est un arbre, et l'œuvre, selon cette science, est un fruit.